l'apostasie généralisée, c'est quoi? On est rendu à un point où on se fait tellement avoir qu'à un moment donné, le monde, ils pourront plus croire à rien. Ils pourront plus croire à rien. Mais il reste que c'est ce qui nous avait été dit, c'est les vieilles prophéties des héléno-chrétiens qui se réalisent. C'est ça qui se passe. Donc, ça veut dire que les Lucifériens, dans le fond, sont encore en réaction contre ça, puis qu'ils ont fait un plan qui est une contre-église, dans le fond, puis qui suivent leur plan à la lettre. Lisez l'Archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre. Bon, je le sais que c'est très cher, mais vous allez voir qu'il est au courant de tout, puis tout était préparé à l'avance, tout est voulu. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les synarques, c'est des génies, je suis en train de vous dire que ça fait partie de la gamique. Donc, attention, attention.